le dire non, non. Quand t'aimes, regarde dans les yeux, je suis déstabilisé. Tu sais comment parler, tu sais quoi faire quand j'ai mal, bébé, viens me soigner. Chérie Coco, elle s'inquiète quand je suis pas là. Donne-moi ta main, t'inquiète pas de nos ennemis, j'en ferai mon affaire. Quand t'es pas, c'est tremblé d'eau, t'es comme. C'est mon bonbon, mon bébé, gros doudou. Avec toi, je perds dodo. Quand t'es pas là, je perds le nord. Écoute pas les autres, viens avec moi, mon tabord. Elle, elle, c'est ma mère à Valais. Bébé, c'est ma mère à Valais. Ma chérie, c'est ma mère à Valais. Bébé, c'est ma mère à Valais. Baby love, t'es la seule à qui j'ai donné ma confiance. Quand t'es pas là, l'impression que mon sang s'est vide. Avec toi, l'impression que le temps passe trop vite. Ouais, ouais. Bébé, pardonne-moi si un jour j'ai pu te faire du mal. Notification, je suis content seulement quand c'est toi. Tu t'es retouché pour te battre.